Une fois, j'ai fait un cours avec John Maxwell, là, c'est un cours de John Maxwell qui s'appelle Equip, et il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé, et c'est ce que nous sommes en tant qu'église. Il disait, mais vous pouvez bâtir une église de disciples ou une église de leaders. Et les deux sont bonnes, hein, et on est aussi une église de disciples, forcément, puisqu'on a des gens qui se convertissent, qui rencontrent le Seigneur et qui ont besoin de devenir des disciples de Jésus. Mais notre focus en tant que leadership, mon focus, même dans la prédication que je vais vous donner maintenant, c'est de former des leaders. On est une église de leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous équipe pour que vous, vous fassiez une différence. La grande différence, c'est que lorsqu'on a une église de disciples, les disciples sont un peu au service de la vision que le pasteur a reçue. Alors que quand on est une église de leaders, on cherche à ce que vous soyez équipés pour pouvoir vivre, vous, la vision, le projet de Dieu, le projet tel que Dieu vous l'a donné et vous l'a révélé. Et donc c'est notre mission et notre vocation en tant qu'église d'être une église de leaders. Et je vous considère comme des leaders en préparation. Et le but de ce message, c'est pour ça que je l'ai changé. Et puis tout ce qu'on va vivre l'année prochaine aura pour objectif de vous donner des clés pour que vous puissiez vous développer et développer ce que Dieu a semé en vous. Alors pourquoi on parle du repos? Parce que déjà la Bible, vous allez le voir, en parle beaucoup. Elle donne beaucoup plus d'importance au repos que nous on en donne. Et deuxièmement, on a une vision du repos qui est très très, je dirais, charnelle, très liée au corps, à la fatigue physique. Alors que dans la Bible, le repos a des bienfaits spirituels, il y a des bénédictions qui sont rattachées au repos. Il y a certaines bénédictions qui s'obtiennent pas par la prière, bénédictions qui s'obtiennent par le repos. Et on est là, on prie, on jeûne, on intercède, et en fait, il faut juste avoir du repos. Vous savez, ce texte qui dit, je ne l'ai pas noté, qu'il en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. C'est fou, hein, c'est même frustrant. Le gars, il dort, et Dieu dit, j'en donne autant à cette personne pendant qu'elle dort, pas pendant qu'elle prie, pas pendant qu'elle lit la Bible, pas pendant qu'elle travaille, mais pendant qu'elle dort. Donc, vous voyez, on a un rapport un peu tronqué, très charnel, avec le repos. On se repose parce que physiquement on est crevé. C'est pas trop comme ça que le Seigneur voit la chose. Même la terre, vous savez, la terre a besoin de se reposer. Parce que si elle ne se repose pas, elle perd en productivité. Si on veut qu'une terre retrouve une pleine productivité, on a besoin qu'elle se repose. Et pourtant, on va dire, mais on va perdre du temps. Si je ne sème pas, je vais pas avoir de récolte. Donc on a tendance à vouloir semer tout le temps, semer tout le temps, semer tout le temps pour avoir de la récolte, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que si tu veux avoir une bonne récolte, il ne faut pas semer. On va dire, ouais, mais je vais perdre mon temps. Un an sans semer, de quoi je vais vivre? Mais le peuple d'Israël, il y avait une année où il ne semait pas. Et il récoltait, la dernière année où il semait, il récoltait le double. Dieu bénissait, mais la terre avait besoin de repos. Alors si une terre a besoin de repos, à plus forte raison, parce que vous êtes une terre aussi. Jésus vous compare un peu à une terre quand il donne la parabole du semeur. On est un peu la terre. Il dit la semence, elle peut tomber dans une terre pierreuse, avec des épines et une bonne terre. Donc une bonne terre, c'est une terre aussi qui s'est reposée. Parce que sinon, ce qui arrive, si on ne se repose pas, vous savez, on a un réservoir, hein, spirituel, relationnel, vous avez des ressources même psychologiques, intellectuelles, pour faire des choses, vous êtes motivé, puis il y a des moments où vous n'êtes plus motivé. Parce que vous êtes là. Votre motivation, elle est là. Et si vous ne remplissez pas votre réservoir, et on va voir comment, au bout d'un moment, les choses pour lesquelles vous étiez motivé, en début d'année, souvent on a des résolutions, on dit « Ouais, je suis motivé, je vais faire ça », puis bouh, on a toutes sortes d'événements qui vont nous vider, et après on n'est plus motivé. Une voiture, aussi belle soit-elle, aussi luxueuse soit-elle, si elle n'a plus de carburant, elle ne vous sert à rien. Elle ne peut pas vous amener d'un point A à un point B. Parce qu'il n'y a plus de carburant. Pourtant, elle marche, elle fonctionne, elle a un énorme potentiel. mais elle ne peut pas vous amener là où vous voulez aller, parce qu'il n'y a, plus de ressources. Jésus, lui-même, a accordé beaucoup d'importance au repos. Regardez, il est avec ses disciples. Donc, on sait que Jésus a fait beaucoup de choses. Il a fait des miracles, des guérisons, il a prêché, il s'est occupé de la foule. Mais là, à un moment donné, Jésus et l'équipe, ils sont là. Même Jésus, le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin de repos. Écoutez, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et priez, jeûnez, intercédez, non, reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et souvent, vous voyez, nos vies, c'est ça. Il y a beaucoup d'allants et venants. Ça veut dire tellement de choses à faire, tellement d'activités. Et des fois même, on a l'impression que c'est des activités qui nous reposent, mais vous savez, des fois, être devant la télé, c'est pas reposant. Parce que ça vous vole. On va voir ce que c'est le repos. Le repos, ça doit être ressourçant. Et là, vous voyez, parfois, nos vies, c'est un peu ça. Des allants et des venants. On fait des tas de choses, on est comme ça, des tas de choses, et on sait que, mince, je suis pris dans un cycle là, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai à cœur de vivre, ce n'est pas du tout ce qui me ressource, ce n'est pas du tout ce à quoi je suis appelé, ce n'est pas du tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce n'est pas du tout ce que j'avais pensé faire en début d'année, mais je suis pris. Je suis pris allant, venant, allant, venant. Comment sortir de l'allant, venant? Comment sortir de ce piège? Jésus dit, hey, reposez-vous. Il ne dit pas, il faut prier, c'est la prière, c'est l'intercession. C'est... Non, hey, pim! Tu veux couper, et je vous citerai John Maxwell qui a donné un conseil aussi qui m'a beaucoup plu et qui parle également du repos. Il le donnait à des hommes d'affaires, même pas chrétiens, c'est vraiment un point. Le repos est un principe puissant. Pourquoi ? Alors, avant de vous répondre pourquoi, je veux parler, je ne vais pas citer, bon, de toute façon, vous ne le connaissez pas, mais il y a un pasteur, vous voyez, qui était comme ça. Je connais un pasteur, il était comme ça, allant, venant, allant. Alors, l'église, les prédications, visiter les gens, et puis faire toutes sortes de choses qu'un pasteur fait parce qu'il veut, il répondait aux besoins. Je dis, mon ami, c'est Dieu qui répond aux besoins. Tu dois former les gens à dépendre de Dieu, à trouver en Dieu leur secours et pas en toi. Tu n'es pas un assistant social, tu es un pasteur, tu vois. Et lui, il répondait aux besoins des gens, il était crevé. Et à un moment donné, il est à un supermarché et il voit un membre de l'église qui se fauteuil roulant. Et il dit, voilà, il va me prendre pendant, il va me saouler, il va me parler. Ah, pasteur, comment ça va? Nanana. Oh, j'ai pas envie de parler avec lui. Oh, vite, et il est parti. Il a fait comme, il s'est caché. Il a fait ses courses. Il est parti vite dans la voiture. Il dit, je veux pas voir le gars en fauteuil roulant. Ça va me prendre 2 heures. Et là, dans la voiture, il éclate en sanglots parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle est où la compassion? Avant, j'étais pas comme ça. Avant, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ma compassion, je l'ai perdue. Quand, faute de repos, et je rencontre beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens qui sont frustrés, qui sont anxieux, qui sont parfois en colère, des riches, des pauvres, ça touche toutes les générations, des étudiants, des retraités, qui sont touchés par cette accumulation d'épuisement. Ces gens-là sont exténués, sont parfois surmenés, stressés, parce qu'ils sont pris au piège dans le allant et venant. Jésus a vu ça sur ses disciples, il a dit, hey, reposez-vous. Et c'est ce qu'on va faire pendant 3 semaines et demie à peu près, là, parce qu'en tant qu'église, on se retrouve le 19 août ici, ça sera le jour de mon anniversaire, mes 46 ans, donc je serai en total décalage horaire, parce que je vais rentrer, il sait ce que c'est, Christophe, quand on rentre de Las Vegas. Donc moi, je vais rentrer le 18 et le lendemain, on sera là. Je ne sais pas dans quel état, mais on sera là avec vous. Même l'église, en tant qu'église, vous voyez, on veut prendre un temps de repos. Donc depuis ces jours, vous voyez, depuis ce jour, cet homme dont je vous parle, cet homme de Dieu, il se méfie maintenant de l'épuisement, et comme de la peste. J'ai pu parler avec lui du fait qu'il devait équiper les gens plutôt que de répondre à leurs besoins. Et maintenant, il sait pertinemment quand il connaît ses limites et il sait quand il sait qu'il ne doit pas les franchir, il sait quand il doit s'arrêter. Le repos, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça a été institué par Dieu. Vous connaissez ce texte, Genèse 2, versets 2 à 3. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour. De toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit. Alors écoutez bien, Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc vous voyez, Dieu a créé le repos. Il a créé le repos. Et souvent, je fais cette blague, moi, je n'imagine pas Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Qu'il s'est reposé. Et nous, c'est là où on a un rapport dysfonctionnel avec le repos. On se repose quand on est fatigué. Le repos, c'est une hygiène de vie. Le repos, c'est quelque chose qui est planifié chaque jour et chaque semaine, et chaque mois et chaque année, vous avez des plages de repos. Pourquoi ? Parce que, regardez, il est dit que Dieu bénit. Dieu bénit ce jour. Il y a une bénédiction sur le repos. Il y a des bénédictions qui viennent. Moi, il y a des gens qui jeûnent, qui intercèdent, qui ont un rapport juste avec Dieu, parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées au jeûne et à la prière. Mais parfois, je recite ce texte, il en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. Oui, au jeûne, à la prière, à l'intercession, au combat spirituel, il y a des bénédictions qui sont rattachées. Mais il y a aussi des bénédictions qui sont rattachées quand tu ne fais rien, quand tu te reposes. Et que tu sais que, ça va être un temps, pas oisif, ça va être un temps béni. Pourquoi ? Parce que Dieu a béni ce jour-là. Un jour, j'ai accompagné une dame, je pense que ça fait 25 ans que je suis pasteur, de ma vie de pasteur, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi active, même, comment on dit quand les gens sont trop hyperactifs. Et donc, elle sombrait dans le burn-out. Et tout ce qu'elle faisait, ah mais Greg, il y a ça à faire, à l'en venant. Il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et j'avais beau lui donner des conseils, elle ne les suivait pas. Puis souvent, vous savez, ce qui est bon, c'est de travailler, d'accompagner les gens avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne des images. Et j'ai eu une image pour elle, et cette image lui a parlé. J'ai dit, imagine qu'on est tous les deux dans ta voiture, et puis on a rendez-vous, donc, parce qu'elle avait un procès, enfin, elle était avec les avocats, etc., donc ça l'a stressée, elle ne savait pas si elle allait gagner ou perdre. On a rendez-vous chez le juge à 10h, et on s'est réveillé en retard. Et on est pressé. Et du coup, tu roules, moi je suis à côté de toi, tu roules à fond, tu es pressé, tu stresses, et puis ta jauge descend, c'est comme ça. Tu es sur le rouge, et il reste encore 300 km à faire. Et moi je te dis, arrête-toi, tu vas tomber en panne. Tu te dis, mais non, je ne peux pas m'arrêter, on va perdre du temps, on va arriver en retard. Et alors du coup, tu ne veux pas t'arrêter parce que tu as peur d'arriver en retard. Mais le problème, c'est que si tu ne t'arrêtes pas, tu vas t'arrêter net. Et là, on va perdre un peu de temps, c'est vrai, mais on va recharger ton réservoir pour que tu aies les ressources de gagner ce procès. Et cette vision, cette pensée, l'a interpellé. Et après, je lui ai posé des questions que je vais vous poser. Vous allez devoir répondre. Vous avez 4 semaines pour y répondre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te ressource ? Je vais vous poser les mêmes questions. Et elle m'a répondu, elle était toute. Et elle faisait. Elle dit, il y a 15 ans, ce qui me ressourçait, et depuis, elle n'avait plus fait, c'est aller boire un petit café à Palavas. Alors, je dis, mais ça coûte 1,50 € un café. Oui, oui. Mais vous voyez, j'ai pas le temps. Puis, prise au piège, allant et venant. Et bam, on a cassé ça. Elle dit, comme Jésus, va dans un lieu désert, donc il y a du sable à Palavas, hein, et va te reposer. Donc, toutes les semaines, elle avait ce moment de repos à Palavas, son petit café face à la plage. Et pour elle, c'était un temps de ressourcement. Et c'est ce qui lui a permis de remplir son réservoir et d'atteindre son objectif. Donc le repos, c'est un temps vraiment de bénédiction et de ressourcement, et c'est quelque chose que Dieu a institué. Lisons ensemble Exode 20, verset 11. « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Non seulement il s'est reposé, mais Dieu a béni le jour du repos. Le jour du repos est béni. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions pour toi qui sont rattachées au repos. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Nous, on pense qu'il faut être actif. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais je veux être béni, je veux être béni. Et les gens sont là. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais oui, mais je veux tellement être béni, je ne veux pas louper ma bénédiction. Je veux pas louper. Et Dieu dit, hey, ce n'est pas le jour, ce n'est pas les six autres jours où il a travaillé qu'il a béni. Il ne les a pas bénis. Hein. Il a travaillé, mais il ne les a pas bénis. Il a béni un jour, c'est le jour où il n'a rien foutu. C'est le jour du repos qui a été béni. Il y a des bénédictions. Et vous, on est là, nous. On est là. Parce qu'on veut être béni. Mais ton choix d'être béni est bon. Ton désir d'être béni est bon. Par contre, la bénédiction, elle n'est pas sur le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour. Elle est, il a sanctifié. Regardez, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Le jour du repos est béni. Et ce n'est pas une bénédiction de Greg ou d'un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a béni. Waouh ! Donc le repos a... il y a des bénédictions qui sont rattachées au repos. Et il nous faut, du coup, planifier. On le fera en fin de message. Planifier de manière intentionnelle nos temps de repos. Moi, j'ai des temps de repos tous les jours. Tous les jours, dans ma journée, j'ai un moment de repos. Mais spirituel, je sais que parce que c'est Dieu va me bénir, Dieu va me parler. Il y a une faveur de Dieu qui va tomber. Pourquoi ? Parce que dans cette journée, clac. Des fois, c'est pas beaucoup. Des fois, c'est que 15 minutes. Je pars d'un moment où j'arrête tout et repos total et seul avec Dieu. Ou j'ai des manies. Je vais vous en parler. Mais on a tous des choses qui vont nous ressourcer. Ésaïe 30, verset 15, nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Vous voyez, on cherche... Le salut, c'est quoi ? C'est être... Je veux me sortir de là, je veux être délivré de ça. J'ai besoin d'être sauvé de cette situation. On cherche à être sauvé de certaines choses. Et la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Dans le repos, il y a quoi ? Il y a ton salut. C'est fort, hein ? Moi, je croyais que le salut, c'était en Jésus-Christ. Oui, oui, mais dans le repos aussi. Il y a un salut, il y a une délivrance. Dans le salut se trouve, dans le repos, pardon, se trouve ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a une force, il y a une vitalité spirituelle, physique, émotionnel, il y a des forces qui sont transmises lorsque on planifie notre temps de repos. Vous savez, vous n'avez le repos, c'est pas forcément rien faire. Le repos, c'est se concentrer sur ce que Dieu vous appelle à être et à faire. Le repos, c'est pas juste ah mais je fais rien, non. Le repos, c'est juste, je me concentre sur ce sur quoi je suis appelé à faire. C'est ça, le repos. Donc, ce n'est pas forcément être oisif. Mais il y a des tas de choses qu'on fait par obligation, parce que, ou par mauvais choix, ou on va voir tout à l'heure, des tas de choses qui nous conduisent notre ambition personnelle, qui fait qu'on fait des tas de choses. Mais le repos, ce n'est pas forcément rien faire. C'est faire juste se concentrer sur ce... à quoi Dieu nous appelle. On n'a qu'une seule vie, et si vous ne voulez pas gâcher votre vie, arrêtez de consacrer du temps à des choses qui ne comptent pas vraiment. Et c'est ce que justement John Maxwell, qui est un grand formateur de, de leaders dans le monde. Il forme les dirigeants, les présidents, les gouvernements même font appel à lui. Et il dit la chose suivante, si vous êtes dans le succès, tout va bien pour vous, continuez. Mais si vous ratez tout, rien ne marche, c'est un peu... tout ce que vous avez mis en place ne marche pas, ne fonctionne pas, il dit, partez 9 à 10 jours. Partez, coupez avec tout. Coupez téléphone, coupez tout, et partez 9 à 10 jours et de repos. Quand on dit repos, ce n'est pas je suis sur la plage et sur Facebook. Ce n'est pas du repos, ça. C'est un stop. On coupe avec tout, même avec les réseaux sociaux, un temps de silence. Et quand il dit ça, il ne parle pas à des chrétiens. Hein. Il dit, il n'y a plus rien. Et dans le vide, il y a de nouvelles idées qui vont venir. On est ainsi conçu. L'être humain est à... Parce que Dieu... Que tu sois chrétien ou pas, Dieu a béni le jour du repos. Donc là, ça va vous choquer. Hein. Vous avez des non-croyants qui mettent en pratique ça et qui ont des bénédictions que les chrétiens n'ont pas. Parce que, sans savoir, parce que dans les cours de John Maxwell, c'est enseigné ça. Hey, planifie, en tant que dirigeant, tu es responsable. Et dirigeant, ce n'est pas juste une entreprise. Tes parents, tu es un dirigeant. Tu diriges une famille et il faut que tu aies tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, des temps de repos parce que y a une force, il y a des idées. Parce que si ça ne marche pas, là, c'est que tu as des mauvaises idées. Donc, pars 10 jours, il dit. Tu pars 10 jours et puis il y a d'autres idées qui vont venir. Et tu fais des choses, on verra après, je vais vous dire comment on planifie ces moments de repos. Parce que vous allez avoir 4 semaines de repos. En tout cas, en tant qu'Église, on prend ces 4 semaines et on veut que ce soit productif. L'absence de repos peut conduire au surmenage. Donc là, je ne vais pas lire le texte, mais vous savez, c'est Marthe et Marie. Il y en a une qui est au pied de Jésus et l'autre qui s'affaire. Et puis, au bout d'un moment, elle est pris au piège entre, vous voyez, le va-et-vient. Là. Et puis, à un moment donné... Je pense qu'elle est très énervée de voir sa sœur à genoux au pied de Jésus alors qu'elle a fait tout. Elle dit « Oh Jésus, ça ne te dérange pas qu'elle fasse... Est-ce que tu pourrais lui dire qu'elle se bouge une certaine partie de son corps que je ne préciserai pas davantage ?» Vous voyez, elle aurait pu dire à sa sœur « Hey, viens m'aider !» Mais vous voyez, des fois les gens, ils vous envoient des messages subliminaux. Souvent ça m'est arrivé ça. J'ai des gens qui vont s'adresser à Nicolas, par exemple, dire oh là là, mais Greg, alors, hein, je suis juste à côté. Vous voyez, tu peux, voilà. Et tu peux me dire oh, mais il y a plus de cappuccino là. Ben ouais, c'est pour que j'entende, mais ils ne me le disent pas à moi-même. Et là, c'est un peu la même chose. Elle se plaint à Jésus. Et Jésus dit hey, Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Donc Marthe, là, elle n'en peut plus et elle essaye d'attirer l'attention de sa sœur ici, mais elle est dans un surmenage. Vous savez, j'ai des gens, je connais quelqu'un qui est comme ça, je ne vais pas dire c'était qui, Katia va reconnaître, mais je connais quelqu'un qui est comme ça, et du coup, il n'y a personne qui veut travailler avec lui. Et j'ai des gens qui me disent, Greg, nous, on veut travailler avec toi. Je dis oui, mais c'est quelqu'un qui a un programme, et moi, je ne suis pas responsable de ce programme. Mais les gens me disent, Greg, prends ce programme et développe-le, nous, on veut travailler avec toi. On ne veut pas travailler avec lui. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est pris au piège de ce surmenage. Et les gens disent, ah ben non, le programme est magnifique. Et il y a plein de gens qui se privent de ce programme parce qu'ils disent, ah ben non, mais il va falloir, aïe, il va falloir qu'on travaille avec lui. Et le gars, quand il arrive, il met le stress sur tout le monde. Alors que moi, quand j'arrive, c'est « Wangalo, Tom, it's a content America. Why, yeah, yeah. Why, yeah, yeah, yeah. Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. » C'est cool. Vous voyez, alors, sans le pétard, mais c'est cool. Et parce que, repos, je sais que moi-même et que les gens qui collaborent avec moi seront beaucoup plus efficaces si il y a un leadership qui favorise le repos. Parce que la Bible nous dit de marcher par l'esprit. Elle ne nous dit pas de courir par l'esprit. Elle nous dit marcher par l'esprit. Donc c'est une marche. La marche, d'ailleurs on parle de marche avec Dieu, pas de course avec Dieu. Donc il y a des gens qui veulent juste collaborer avec moi, me suivre uniquement, pas parce que je suis bon, mais parce que le repos. Et vous, c'est la même chose. Vous allez avoir des gens, des amis qui vont aimer vous fréquenter parce que vous favorisez cette atmosphère de tranquillité et de repos. Vous savez, l'épuisement blesse notre entourage et nuit aussi à notre âme. Et les gens épuisés, souvent, ils s'énervent contre les autres. Cette personne, elle est tout le temps énervée. Tout le temps. Et je suis tout le temps en train de la calmer. Mais du coup, ça nuit considérablement au développement de son ministère qui pourrait être une bénédiction pour des tas de pays. Mais les gens épuisés, en général, ils s'énervent. Ils sont facilement plus irritables. Et donc, repos, repos, repos. Et je veux encore vous enfoncer le clou ici pour vous dire que l'absence de repos, c'est une caractéristique de l'enfer. Quand on décrit l'enfer, on dit « il y a des flammes !» Vous voyez ? Ok, mais il y a aussi une autre caractéristique de l'enfer. L'enfer, ce n'est pas que des flammes. L'enfer, ce n'est pas de repos. Lisez avec moi. Apocalypse 14, verset 11. Je ne l'ai pas ? Remonte ? Peut-être pas. Bon, si tu ne l'as pas, je vais le lire avec vous. Apocalypse 14, verset 11, qui nous dit « Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc là, on a une description dans Apocalypse 14 de l'enfer. Et il est dit, donc il y a des tas de choses, il y a les flammes effectivement, mais ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Donc l'absence de repos, c'est déjà sur Terre, tu peux vivre un petit peu les flammes, bon ça il faut aller à Las Vegas, l'été il fait 50 degrés, mais sinon, il y a des gens qui sont en enfer, il y a des gens sérieusement qui vivent l'enfer, déjà. Parce que l'enfer, c'est l'absence de repos. Ni jour, ni nuit. Ça veut dire la nuit, j'ai des troubles de sommeil. J'ai des cauchemars. J'ai un sommeil qui n'est pas... Katia me disait, elle rentre dans la chambre, elle va juste dans la salle de bain se démaquiller, elle rentre, elle dit, oh, tu ronflais. Moi, je pose ma tête sous l'oreiller, et puis c'était parti. J'ai pas la grâce de Dieu, je me repose la nuit. Oh, elle dit, elle vit en enfer. Et je ronfle. Mais je ne ronflais pas avant, mais ça avait l'âge, je pense. Ça avait l'âge. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer. Pas de repos. L'absence de repos, notez ça. Ça va vous parler. L'absence, il faut que vous compreniez que ce n'est pas juste se reposer physiquement. L'absence de repos, si tu ne planifies pas dans ta journée, ta semaine, et ton mois, des moments de pause où il n'y a personne, où il n'y a pas les enfants, où il n'y a rien. On faisait ça avec Katia, on dit hop, pas d'enfants, rien. On a eu des moments où on n'était que tous les deux. Parce que sinon, l'absence de repos, c'est un avant-goût de l'enfer. Waouh ! Ça doit vous parler ce matin. Moi, j'ai un ami, pareil, je ne vais pas citer qui c'est, mais c'est très connu dans le monde, là, et un grand ministère. Et... Il a été frappé par un burn-out qui a duré 2 ans. Et à l'époque, quand ça a commencé, je ne sais pas si tu étais là, non, c'était pas là, tu étais dans une pastorale et les signes de burn-out ont commencé à arriver. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ne voyait plus rien. Il dit, ah, je suis comme aveugle, c'était tout noir. Et les gens, la réaction des gens, ça a été de faire shabalabalabala, combat spirituel. Le gars, il avait juste besoin de repos. Et Shabbatai, au nom de Jésus, parce que c'est le diable qui veut arrêter ce grand ministère. Et n'empêche qu'au bout de 2 ans, enfin, quelques temps après, on a appris, il s'est effondré chez lui. Donc, et après, il a fallu qu'il monte péniblement, je sais pas, au téléphone, et en rampant. Il a même été jusqu'en psychiatrie. les effets du burn-out, avec des médicaments. Et son problème, bien sûr que le diable en a profité pour en mettre un coup, bien sûr, mais son problème, ce n'est pas le diable qui l'a conduit au burn-out. Et puis ça, il y a ça à faire, pas de repos. Tellement de choses, c'est un grand, grand homme de Dieu qui a une grande onction. Mais du coup, le problème, c'est qu'il a mal géré cette onction-là et pas de repos. Et du coup, c'est l'enfer. Pour moi, le burn-out, et on n'a jamais eu, moi, chérie, ces 5 dernières années, on n'a jamais eu autant de personnes qui ont vraiment fait des burn-out avec on n'a jamais vu ça. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de burn-out. Surmenage un petit peu, mais en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui ont des burn-out. Le repos, c'est un temps de bilan et d'instruction. Pourquoi se reposer ? Parce que Dieu va vous parler. Vous allez recevoir des idées créatives, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui vont amener le succès, qui vont amener le bonheur, qui vont vous aider à résoudre certaines situations dans lesquelles vous ne prospérez pas, vous êtes un peu malheureux ou malheureuse et vous ne savez pas trop comment faire. Mais dans le repos, il y a des idées très créatives qui viennent. Lisez avec moi, l'Éternel, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute, regardez bien l'ordre. D'abord, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et c'est ensuite qu'il me dirige, donc il y a des directions qui viennent près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit. Il vous conduit après, une fois qu'il y a eu le repos. Il y a d'abord repos et après il y a direction et conduite de Dieu. Des fois, nous, on veut d'abord la direction et la conduite, mais la direction et la conduite viennent dans un temps de repos. Par exemple, voyez, c'est dans un temps de repos que le Seigneur m'a parlé de la prochaine série que nous aurons en septembre ici, qui s'appellera Croissance. Comment développer la croissance personnelle ? Comment grandir personnellement ? Croître, grandir personnellement ? Comment grandir en tant qu'Église ? Comment une Église grandit ? Vous savez, je vous parlais de ce texte d'Acte 2 où on a été fortement interpellé en tant qu'équipe pastorale, de dire, mais ce texte qui dit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui ? Comment ça marchait ? Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est top. Mais on a vu que la raison pour laquelle Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est qu'il y avait certains principes que l'Église poursuivait, et que nous, on ne poursuit pas jusqu'à présent, et qui a favorisé la croissance. Donc ça, vous voyez, cette idée de travailler sur la croissance de l'Église l'année prochaine, ben c'est, moi, ça m'est venu, ces instructions sont venues dans un temps où j'étais en repos. Jésus lui-même reprend exactement les principes de Matthieu, du psaume 23, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, on le connaît, mais il dit la chose suivante, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qu'est-ce qu'il donne ?» Je vous donne du repos. Ensuite, regardez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions viennent après avoir reçu le repos. D'abord, il y a repos et après, il y a instruction. Donc, et nous, souvent, c'est le contraire. On veut recevoir les instructions, puis après, ah, maintenant, je vais pouvoir me reposer. Mais c'est le contraire. Planifier des temps de repos, c'est ce qui va ensuite vous permettre de pouvoir être plus à même de recevoir des instructions divines, qui vont favoriser le succès, la réussite. Ça va marcher, parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu comment ? Pas uniquement quand tu pries, quand tu jeûnes. Repos. Un temps de repos. Par exemple, et après je vais vous poser des questions, je termine maintenant avec ceci. Par exemple, en ce qui me concerne, alors ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais moi, la méditation et la solitude, c'est quelque chose qui me ressource et qui me remplit. Elle le sait, Katia, des fois, je me ferme à clé parce que je peux que personne rentre dans la chambre, parce qu'elle rentre comme ça. Et des fois, je suis à genoux, je vais... Enfin bref, c'est mon intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas que de la prière, c'est des moments où des fois, je vais mettre de la louange, des fois, je vais peut-être regarder 2-3 vidéos sur YouTube qui me font rire. J'essaie de voir, j'écoute mon âme, de quoi j'ai besoin là. Mais j'ai des moments, et la méditation, ça c'est quelque chose, je suis un fervent défenseur, un jour je prêchais là-dessus. La méditation, pour nous, c'est... On a cette image-là parce qu'on s'est fait piquer. La méditation, c'est Dieu lui-même, au départ, qui l'a institué. Et comme les bouddhistes l'ont pris, nous, on est un peu gênés. On ne veut pas trop faire ça, vous voyez, ou faire... Vous voyez, et du coup, on dit, ah, non, je ne médite pas. Moi, je prie, je suis un chrétien évangélique, je prie. Vous voyez. Alors que il est dit, médite... Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Il n'est pas dit, lis-le. Lis. Il dit, médite. C'est fort, hein? Et ça, tu es d'accord avec moi, Christophe? On ne l'enseigne pas dans nos églises. Médite-le, la méditation. Et ça serait très intéressant que je vous en parle. Et c'est fort. Et moi, je suis là-dedans. Soit je mets de la louange, soit j'ai toutes sortes de choses et je médite. Et des fois, je vais peut-être vous choquer, hein, des fois, ce n'est pas de la louange que je mets. J'ai besoin d'un bon Earth, Wind & Fire. J'ai besoin d'un bon I am. Je danse le mia, pas de pas à coutille, chemise ouverte. Eh bien ouais, ça me fait du bien, ça me ressource. Et c'est pour ça que je m'enferme. C'est pour ça que je m'enferme dans mon bureau. Parce que mais nous donnons du fin, je danse le mia. Et je me regarde dans la glace, ce soir mes bagues biron, je danse le mia. Et après c'est fini, je suis ressourcé. Je suis ressourcé. Et ce n'est pas que spirituel, mais vous avez une âme, qu'est-ce qui va ressourcer votre âme? Par contre, effectivement, j'ai besoin de fermer, je ferme. Oh, non. Mais on a tout ça, vous voyez, on a besoin de et Katia fait ça. Katia, elle a une pleine liste de louanges et d'adorations. Et par moment, je suis dans mon bureau et j'entends, comment il s'appelle là en ce moment, Ritano, vous voyez, et elle est là. Et elle est à fond là-dedans, mais c'est du ressourcement. Vous voyez? Donc, moi, vous voyez, d'avoir des moments comme ça de solitude et de méditation, ça me ressource. Le travail me ressource. Pourquoi? Parce que je fais ce que j'aime. Et pourquoi je fais ce que j'aime? Parce que je crois qu'une clé que j'ai compris, pourquoi? Parce que je suis béni. Il n'y a rien que je fais par... tout ce que je fais, je l'aime. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Je disais à quelqu'un, je suis à la retraite, moi. Pourtant, je travaille plus de 50 heures, des fois 60 heures. Des fois, quelqu'un dit, bon, maintenant, arrête. Hein. Elle me crie dessus. Mais parce que je me régale. Ce n'est pas, j'ai ça à faire. C'est du ressourcement. Attention, pas n'importe quel travail. Quand on fait ce qui nous plaît, ce pourquoi on a été créé. Et pourquoi Dieu m'a béni, m'a fait cette grâce, je crois que c'est parce que je mets en pratique 1 Pierre 5,8. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour les autres. Et des fois, je dis, c'est vrai qu'on a eu un soutien financier cette année des États-Unis pour soutenir des tas de ministères. En fait, on n'a rien. Je dis, mais en fait, on n'a rien fait cette année pour nous. J'ai tout donné aux autres. Et Dieu aime ça. Et il dit, lui, il me bénit dans mon travail parce qu'il sait que si j'ai des choses, ça ne va pas être pour ma consommation perso, mais ça va être pour les autres. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Après, les relations. Les relations sont des moments de ressourcement. Attention, la Bible dit le fer aiguise le fer. Pas le fer, le bois aiguise le fer. Ça veut dire quoi? Le fer aiguise le fer. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en relation avec des personnes. Tu dis, ça m'aiguise. Cette personne-là, j'aime la fréquenter. S'il y a des gens, ils ne nous aiguisent pas. Hein. Il y a des gens, ils nous épuisent. Ils ne nous ressourcent pas. Vous voyez? Et donc, il faut avoir des relations. Choisissez vos relations, ne subissez pas vos relations, mais choisissez des relations qui vous aiguisent. Le vélo, moi le vélo, pédaler, et puis être tout seul dans la nature, autour de l'étang d'Auto, ça me ressource. Le cappuccino, j'ai tous les jours un petit cappuccino, ça prend 10 minutes, 15 minutes de le boire, mais c'est un temps de... Je suis tout seul. Et c'est un temps de ressourcement pour moi. Alors les questions que j'aimerais vous poser, c'est pour vous ici. Et on va terminer le culte maintenant comme cela. Je vous invite à établir cette année, cet été, ce qu'on appelle un plan de remplissage. D'abord, il faut que vous déterminiez par quoi est-ce que vous vous laissez vider. Il y a des choses que vous faites que vous ne devriez pas faire. Et ça vous vide, ça vous épuise, ça vous vole du temps. Il y a des personnes, par exemple, elles n'osent pas dire non. Et du coup, comme elles n'osent pas dire non, elles se retrouvent à faire des tas de choses. À dire, ouais, mince, ben, j'ai pas osé dire non, quoi. Dans quelle galère je me trouve. Il y a d'autres personnes qui... Ben, la dame dont je vous ai parlé, qui n'osait pas aller boire un café, là, à Palavas, elle se culpabilisait. Il y a des gens, ils se culpabilisent. Ah, mais non, mais je ne peux pas me reposer parce que... Surtout les pasteurs se culpabilisent. Je suis payé par l'Église, donc il faut que je fasse des choses. Et beaucoup de pasteurs font des burn-out, en tout cas certains, parce qu'ils se culpabilisent de prendre du temps de repos. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas payé. Ouais. chose très importante, par quoi est-ce que je me laisse vider? Ok? Deuxième question. Qu'est-ce qui remplit votre réservoir? Moi, je vous ai donné des exemples. Je dis ça me remplit. Je sais, moi, ce qui me remplit. Et donc, du coup, c'est très simple. Il y a 4-5 choses qui me remplissent. Il y en a d'autres, hein, mais ça me remplit. Donc, du coup, je les pratique puisque je sais que ça va me remplir. Je veille, je me dis, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai bu un cappuccino? C'est quand la dernière fois que j'ai vu mes potes qui m'aiguisent? C'est quand la dernière fois que j'ai fait du vélo? C'est quand la dernière fois que j'ai médité? C'est quand la dernière fois que j'ai regardé une série sur Netflix? Tout ça, ça me ressource. Donc, j'ai 4-5 choses et donc je les pratique régulièrement, tout simplement. Qu'est-ce qui remplit votre réservoir? Ensuite, qu'est-ce qui vous ressource? Ah, ça me détend. Oh, ah ouais, ça me fait du bien. Mais donnez-vous l'opportunité, donnez-vous le droit de vous faire du bien. Récompensez-vous. Quelles sont les personnes et les activités qui vous remplissent? Le repos, ce n'est pas juste quelque chose de seul, ce n'est pas quelque chose de solitaire. Il y a aussi des personnes qui vont dire, ah, quand je suis avec ces personnes-là, ça me détend. Quand je suis avec ces personnes-là, ça me remplit, ça me stimule. Je repars, je suis hyper heureux. Je sais qu'on va passer une soirée où on va se détendre. Ça va être une bonne soirée avec ces personnes. Puis d'autres, vous dites, oh là là là là, non, oh là là, oh, ça va être dur. Voyez? Donc, moi, je connais les personnes qui me ressourcent et je connais les personnes qui me vident. Quand je dis vide, c'est mon job de donner. Mais si je donne, et que je n'ai pas de temps où je reçois, des fois, j'annule des choses parce que je sens que je suis vide. Ça ne sert à rien que j'y aille, je suis vide. Et j'annule des rendez-vous, il y a des gens qui me veulent m'appeler, je ne réponds pas, ils ne sont pas contents. La personne qui est très stressée dont je vous parlais là, le leader très stressé, dit « Ouais, tu ne réponds jamais au téléphone !» Et parce que chaque fois qu'il m'appelle, je suis dans un temps de méditation, et il n'y a que Katia à la rigueur à laquelle je réponds. Sinon, tous les autres, même mes enfants, je ne réponds pas. Parce que c'est un temps où je suis en train d'être rempli. Et je suis bon quand je suis rempli. Quels sont les domaines de ma vie que je dois de nouveau prioriser pour retrouver du repos à l'intérieur et de l'impact à l'extérieur? Si tu trouves du repos à l'intérieur, tu auras de l'impact à l'extérieur. Mais peut-être que déjà les activités qui... c'est des choses que tu faisais que tu ne fais plus. Ah ouais, mais après, on change de boulot, on change on déménage, toutes sortes de choses qui font que parfois on perd des bonnes habitudes. Et peut-être vous posez cette question-là. Quels sont les domaines de ma vie que je dois de nouveau prioriser pour retrouver du repos à l'intérieur et de l'impact à l'extérieur? Si tu retrouves du repos à l'intérieur, tu auras de l'impact à l'extérieur. Ça, vous pouvez le vivre pour vous, mais vous pouvez aussi le transmettre à d'autres. Hey, je veux être un chantre du repos. Et parce que les gens qui nous entourent sont surmenés, sont épuisés, et même ils sont fatigués de leurs vacances. Il y a des gens, ils rentrent de vacances, ils sont épuisés de leurs vacances. Vous voyez? Donc, on va juste prendre un temps de prière maintenant pour se positionner spirituellement. par rapport à ce que vous avez entendu. Parce que peut-être, effectivement, vous avez été bousculé comme moi, je l'ai été. Ce n'est pas ce que je devais prêcher ce matin. Hier soir, temps de méditation, et Dieu me dit, hop, il faut parler du repos. Ah, ok. Donc, et moi-même, j'ai été interpellé. Je prêche comme ayant autorité, là, mais je suis comme vous, je peux m'asseoir avec vous et me repentir dans quelques instants. Parce que j'ai été bousculé. Donc, je vous invite, tu peux laisser cette slide, mettre un fond musical, et je vous invite juste à vous présenter devant votre Créateur maintenant. Il est votre Créateur, il est mon Créateur, et en tant que Créateur, il est le mieux placé pour nous... pour savoir comment on fonctionne. Parce qu'il nous a créés, il sait comment tu fonctionnes. Et il a créé pour toi le repos, et il a même béni ce jour. Il a béni le repos. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au repos. Et je t'invite maintenant peut-être à simplement parler à Dieu librement. Et te commencer par te repentir peut-être du rapport dysfonctionnel que tu as eu avec le travail et avec le repos jusqu'à présent. Je te laisse quelques minutes maintenant avec ton Père. Dis Seigneur, je te demande pardon pour ma négligence. Maintenant à parler à Dieu et dites-lui au combien vous comprenez que le repos est important. Et demandez au Saint-Esprit de vous montrer les activités ressourçantes. Je vois plusieurs d'entre vous êtes comme dans un désert et Dieu est en train de... Cette prédication, ce message, c'est comme s'il y a des oasis sont en train d'apparaître. Vous allez des lieux où vous allez vous désaltérer. Il y a de l'ombre, il y a de l'eau fraîche. Dieu est en train de faire jaillir maintenant de l'eau dans votre désert. Il vous montre, demandez au Saint-Esprit des activités. Ça peut être spirituel, ça peut être comme vous l'avez vu, ça peut être pas très spirituel, mais en tout cas ça vous ressource. Dieu va vous bénir parce que vous vous reposez. Cher Saint-Esprit, on accueille ton ministère maintenant. Parle au cœur de chacun. Mets chacun et chacune au diapason avec le cœur de Dieu maintenant. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous façonner maintenant. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Recevez des images, des révélations. Recevez maintenant des idées, des résolutions pour vivre des temps de repos avec le Père. Tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Que son sabbat vienne sur vous maintenant. Tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Recevez cette capacité à méditer, à rechercher le repos, à cultiver le repos, à vous enfermer pour des temps de repos, pour vous chanter, vous adorer, vous danser, vous écouter Dieu, vous écrivez des idées, des visions. Vous allez marcher à la plage. Vous allez faire une activité physique. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle maintenant. Ne faites plus les choses par devoir et par obligation, mais par inspiration. Sortez d'une vie d'obligation et entrez dans une vie d'inspiration. Au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit souffler sur votre âme maintenant et vous diriger. Faites-lui pleinement confiance. Démarrez une nouvelle vie. Dès aujourd'hui, basé sur le repos, le temps de repos, de silence, de communion avec le Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant. Prends chacun par la main et conduis-le vers un voyage de paix, de prospérité, d'impact. Redonne. Certains sont comme des couteaux qui ont besoin d'être aiguisés, des couteaux émoussés. Redonne du tranchant, de l'impact à chacun d'entre nous dans ce temps de repos. Je proclame repos pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps au nom de Jésus. Recevez des guérisons pour votre âme, recevez des guérisons physiques également dans votre corps, dans ces temps de repos. Juste le repos va amener la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Recevez des fardeaux, des idées créatives pour changer le monde, pour prospérer, pour amener le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Recevez un équipement, une onction dans ces temps de repos, au nom de Jésus. Je bénis Église Transformation pour ces vacances, ces temps de repos, soit des semaines productives. Et nous serons prêts à la rentrée, travailler et entrer dans cette saison de croissance spirituelle, personnelle, de croissance numérique en tant qu'Église. Père, on te remercie pour ton repos, ta bienveillance à notre égard. Amen.